Play. Play with my maid room. That's room is my boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo boo na na na na na no. Chercher mes fruits sereinement, même sous la pluie. Je vais chercher mes fruits sereinement, même sous la pluie. Tranquillement, chercher mes fruits sereinement, même sous la pluie. J'ai cherché mes fruits sereinement, même sous la pluie, tranquillement, pour ceux qui mentent comme des menteurs religieux. Je vais chercher mes fruits sereinement, même sous la pluie. Chercher mes fruits sereinement, même sous la pluie, tranquillement. Je marche et je m'enfuis dans cette terre de boue. Marche avec mon parapluie, couleur banane, banane plein les poches, banane plein le slip blanc. Les couleurs jaunes devenues noires, devenues marron. Slip couleur jaune devenue noire, devenue marron. Et même sous la pluie, je fais cueillir mes fruits. Même sous la pluie, je vais cueillir mes fruits. Même sous la pluie, oh, je vais cueillir mes fruits. Même en slip devenu marron. Même en slip blanc, devenu noir, devenu marron. Même en slip blanc, devenu jaune, devenu vert. Même en slip blanc, sous la pluie, je vois le temps. Sous l'ennui, même en slip blanc sous la pluie, je vois le temps sans ennui, même en slip blanc, même sans rien. Même sous la pluie, je vois le temps, je vois les gens sans ennui. Même sous la pluie, je vois le temps passer. Sans parapluie, un balade. Sans parapluie, je me balade. Sans parapluie, je me balade. s'il fait froid, j'ai la joie, j'ai la joie. Même s'il pleut, même s'il fait froid, j'ai la joie, la joie. Même s'il pleut. Sous la nuit, je vois les roses. Même sous la pluie, je vois les roses. Même sous la nuit, je vois le jour. Même sous la pluie, je vois. vois les roses, même sous la nuit, je vois le jour, même sous la pluie, je vois les roses, même sous la nuit, je vois le jour. Thank you. merci en tout cas. Thank you. Sunlight,

Tu es en train de faire quoi là? Tu es en train de faire les bêtises, hein? Tu es en train de fumer là? Hein? Tu es en train de fumer, hein? De prendre les produits toxiques. Les produits toxiques. Les produits toxiques. vous êtes en train de parler les produits, hein? Les produits toxiques. Beaucoup les gens là sont en train de faire chaque jour, hein? Chaque jour en train de prendre les produits toxiques. Vous comprenez? Chaque jour les gens sont en train de se mettre à mon poser, c'est-à-dire les gens sont en train de prendre les médicaments. Vous prenez les cigarettes, en train de fumer les joints. Je connais quelqu'un, hein, en train de fumer chaque jour. Y a quelqu'un là, c'est une femme, hein, elle a fumé les joints. Chaque jour en train de fumer. Vous comprenez? Une maladie, hein. Moi-même là, j'ai fumé, hein, les joints là. Peine de te faire tourner, hein. Fais tourner. Fais tourner. Fais tourner les joints. Fais tourner le joint. Fais tourner le joint. Fais tourner le joint. Fais tourner le joint. Badass girl, tu m'entends? Badass. I'm just Tout